Chapitre 7e. La gamine du jardin du Luxembourg. L'ex-inspecteur Simon habitait peut-être une tour hideuse à la périphérie de Paris, mais son vaste appartement était clair et arrangé avec goût. Autre avantage, résidant au 23e étage, il bénéficiait d'une jolie vue sur Paris, très appréciable les jours de feux d'artifice. Dutilleul avait suivi les instructions de Castex. Il avait contacté Chauvet, qui à son tour lui avait communiqué les coordonnées de Simon. Dutilleul était heureux, car Simon n'avait fait aucune difficulté pour le recevoir, bien au contraire. L'homme ne devait pas dédaigner les visites. Cela devait le distraire de sa routine quotidienne. Dutilleul, après avoir un peu tourné dans le quartier, se présenta à l'heure dite. Simon vint le chercher à l'entrée. Les deux hommes gardèrent le silence dans l'ascenseur. Même si, à cette heure-ci, c'est-à-dire un jour de semaine, aux alentours de 2 heures, il ne risquait pas de croiser grand monde, on ne se montrait jamais assez prudent. « On se tutoie ?» lui proposa d'entrer Simon, une fois la porte soigneusement refermée. « Allons au salon, nous serons mieux. Tu veux une bière ?» Dutilleul sourit, un peu gêné. « Je préférerais un thé, si toutefois il n'y a pas de dérangement. Tiens, un amateur de thé. Tu plairais à ma femme, toi. Elle ne jure que par ça. Elle essaie bien de me convertir, mais entre nous, c'est peine perdue. Regarde si tu trouves ton bonheur, ne te gêne pas. » Dutilleul le suivit dans la cuisine et regarda dans le tiroir que Simon avait ouvert pour lui. Effectivement, il y avait là largement de quoi le contenter. « Ta femme a bon goût. »« Ah bon ?» répliqua Simon, sincèrement surpris. « Oui, rien que des très bonnes marques. Je vais prendre un Darjeeling. Si cela ne te fait rien, je te laisse faire car j'avoue humblement que je n'y connais rien. » Dutilleul prit une tasse, dosa le thé et versa l'eau frémissante de la bouilloire. Puis il suivit Simon au salon. Celui-ci lui désigna un magnifique canapé 3 places recouvert de tissu fleuri, tandis que lui prenait place dans un confortable fauteuil de style club anglais. « À présent, cher ex-collègue, parle-moi de ce qui t'amène. Je voudrais faire appel à ta mémoire. Tu peux y aller, elle ne m'a jamais trahi, du moins jusqu'à présent. » C'est ce que Castex m'a dit. Au fait, il te transmet ses amitiés. Il a évoqué devant moi une affaire assez curieuse. Une gamine de 5 ans abandonnée dans le jardin du Luxembourg. Il paraît que tu étais en charge de l'enquête. Oui, je me suis occupé de cette affaire et tu employais le qualificatif qui convient. C'était une affaire pour le moins curieuse. Alors, elle est vraie? Tout ce qu'il y a de plus vrai, hélas. Crois bien que j'ai tout fait pour connaître le fin mot de l'histoire. Mais j'ai dû finir par me rendre à l'évidence. J'ai échoué sur toute la ligne, et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Cette affaire nous a tous marqués. Elle était si mignonne, cette gamine, avec ses longs cheveux blonds et ses yeux immenses. Elle était propre, bien peignée et avec ça, sage comme une image, pas capricieuse. Elle ne pleurait pas, alors que pourtant il y avait de quoi. Plus étonnant, elle semblait parfaitement accepter son sort. J'imagine que vous avez fait un signalement. Absolument. Le service était peut-être complètement désorganisé, on était en 68, mais chacun a eu à cœur de bien faire son boulot. On a même fait venir un photographe. Tu comprends, pas question de la faire passer par le service anthropométrique. On ne pouvait tout de même pas lui faire ça. Le photographe nous a fait une série de photos et je peux te garantir que tous les inspecteurs en avaient une dans leur portefeuille. Cette gamine est devenue une sorte de mascotte. Qu'as-tu fait de ton cliché ? Oh, il n'a jamais quitté mon portefeuille. Tiens, regarde. Simon sortit de sa poche un vieux portefeuille en cuir et l'ouvrit. Dutilleul contemple alors ce qui aurait pu être le rêve de n'importe quel parent. Certes, la photo était encore en noir et blanc, mais le visage, lui, était inoubliable. Simon n'avait pas menti. C'était vraiment une magnifique petite fille. De grands yeux qui semblaient bleus ou gris, de longs cheveux blonds très fins et surtout un sourire plein de confiance. Visiblement l'enfant, malgré les circonstances, s'était laissé photographier de bonne grâce. « Elle était effectivement ravissante, » dit Dutilleul en restituant la photo à son propriétaire. « Qu'ont donné les signalements ? Absolument rien. Cependant, la chose n'est pas si étonnante. Il faut se replacer dans l'époque. C'était le tout début des vacances et, après les événements de 68, les gens n'avaient qu'une idée, fuir la capitale au plus vite. Du coup, on a tout misé sur la rentrée des classes, ce qui fut sans doute notre plus grosse bourde. Que veux-tu dire ? En fait, le signalement n'a jamais été communiqué aux médias. Tu plaisantes ? Malheureusement non. Loursel était chargé de s'en occuper. Hélas, tu sais comme moi ce qu'il est advenu. Je crois me souvenir qu'il s'est suicidé en 71. Oui, le 26 février. On a retrouvé la vie dans ses papiers. Tu penses que j'ai tout de suite reconnu l'enveloppe ? J'en étais malade. Ce n'est pas beau de baver sur un ex-collègue, mais je lui en ai énormément voulu. Tu comprends ? Il était largement trop tard. Plus de 2 ans et demi s'étaient écoulés. Il a foutu tout notre travail en l'air. Cependant, tu as préféré garder cette découverte pour toi, n'est-ce pas ? Oui, que pouvais-je faire d'autre ? Je ne voulais pas accabler davantage la famille de Loursel. Nous connaissons, toi et moi, les manquements qu'il a commis, et j'ai pensé qu'il n'était peut-être pas utile d'en rajouter. Cela n'aurait pas changé grand-chose, sinon de démoraliser un peu plus les collègues. Je comprends tes raisons, mais décidément, elle a joué de malchance, cette gamine. Du coup, j'imagine que tu n'as eu aucun retour. Tu imagines bien, mais heureusement, on n'avait pas tout mis dans les mains de Loursel. Je sais que tous les gars, y compris moi, ont cherché de leur côté. On y a même sacrifié pas mal de week-ends. On a essayé de déterminer d'où elle avait pu venir. Cela donnait quelque chose ? Oui, car la gamine avait une bonne mémoire. On est parti du principe qu'elle n'avait pu arriver que par une grande gare et bingo, on sait qu'elle est arrivée par la gare Saint-Lazare. Comment ? Parce que la gamine a très précisément reconnu les lieux en nous indiquant la consigne où sa nounou avait mis sa valise. Ensuite, elles n'ont pu prendre que les bus numéro 21 ou 27. Vous avez alors interrogé les chauffeurs de bus concernés ? Oui. Mais cette fois, ça n'a pas donné grand-chose. N'oublie pas que c'était l'été. Il faisait beau et les gamins, ce n'est pas ce qu'il manque. Même si la régie s'est montrée particulièrement coopérative, on a fait chou blanc. D'où pouvait-elle venir ? Là, on s'est vraiment cassé les dents. Tu sais comme moi que Saint-Lazare représente le plus gros trafic Paris-Banlieue. Autant donc chercher une aiguille dans une meule de foin. Je peux te dire que cet abandon a été réfléchi dans ses moindres détails. Quand tu sais qu'ils sont allés jusqu'à faire disparaître la moindre étiquette sur les vêtements. Le chef Duruy en était malade. Je crois qu'il l'avait un peu adopté. Il la faisait venir régulièrement au commissariat, comme s'il voulait lui montrer qu'il ne l'oubliait pas. Mais il faut dire que ça aurait été difficile. On aurait dû improviser un lit dans son bureau pour que la gamine puisse se reposer. « Pourquoi avoir concentré vos recherches uniquement sur la banlieue ?» demanda Dutilleul. « D'abord, la gamine n'avait pas d'accent bien déterminé, et ensuite elle nous a bien dit qu'elle n'avait pris qu'un seul train. Elle aurait pu venir de n'importe quelle ville normande. Non, la petite n'avait jamais vu la mer, même en promenade. Peut-être que si Loursel avait mené sa tâche à bien, on en aurait appris un peu plus, mais si tu veux mon sentiment, je n'en suis pas sûr. Pourquoi dis-tu cela ? J'ai conservé par-devers moi une photocopie du procès-verbal d'audition, mais il faut que je te dise quelque chose. Dès le début, j'ai eu de sérieux doutes, même si j'ai mis longtemps à les formaliser. À présent, je suis parvenu à une quasi-certitude. Cette gamine n'allait pas à l'école. Peux-tu me montrer le procès-verbal ? « Tiens, je te l'ai ressorti. Je me doutais bien que tu voudrais le revoir. » Dutilleul lut rapidement la courte déposition. « Elle sait tout de même que ce sont les vacances. »« Oui, mais sans doute parce qu'on lui a dit que Nanou devait partir. »« Effectivement, ça peut coller. »« Mais de là à dire que la petite n'allait pas à l'école, il y a une marge. » »« J'ai réfléchi. »« Et j'ai été frappé par un point. » »« Finalement, cette gamine n'avait peut-être pas d'existence légale. » Tu sais comme moi que c'est malheureusement parfaitement possible. C'était une jolie petite fille en pleine santé. Elle ne nécessitait aucun soin particulier. Il m'a été confirmé plus tard qu'elle n'avait jamais vu de médecin. Elle ne portait aucune trace de vaccin. Du coup, tout a dû être fait en même temps. Ne me dis pas que c'est une enfant illégitime. Ma main a coupé. Il n'est pas difficile de dissimuler une enfant de cet âge-là. Après, bien sûr, ça se complique. si tu veux mon sentiment, la naissance elle-même n'a pas dû être déclarée. La maman n'a tout de même pas accouché toute seule. Je n'ai pas dit cela. Mais je pense que l'affaire était menée dans la plus grande discrétion, sans témoin. La gamine a dû être élevée en grande banlieue. Le peu que nous avons pu apprendre, c'est que la maison avait un très grand jardin et que la gamine devait constamment rester avec Nanou. Cette Nanou, vous ne l'avez pas retrouvée. Tu penses bien que non. À sa place, j'aurais vraiment eu du mal à vivre avec un tel poids sur la conscience. Elle savait ce qu'elle faisait. Je n'en suis même pas si sûr. Tout dépend de la façon dont on lui a présenté les choses. Ce n'est pas pour la défendre, mais elle-même devait être très jeune. Si on lui a promis une grosse somme d'argent, tout de même, dit Dutilleul écœuré, tu te rends compte, elle s'est rendue doublement coupable. Malgré son jeune âge, ce que je veux bien admettre, elle ne pouvait pas ne pas savoir ce qu'on lui demandait de faire. Il était de son devoir de dénoncer les parents. Non, elle devait avoir bien trop peur. Peur de quoi, bon Dieu ? Explosa alors Dutilleul. Au fond, elle ne risquait pas grand-chose, surtout si elle était mineure. Bien sûr, elle a pris une part active à la machination, mais avec un bon avocat. Il suffisait de démontrer la manipulation, ce qui était assez facile. Ensuite, en jouant sur la corde sensible et en mettant en avant la jeunesse de l'accusé. Tandis que là... J'y ai pensé aussi, mais imagine qu'elle était tout simplement contrainte de partir. Contrainte. J'ai du mal à te suivre, dit Dutilleul. Vois-tu, je me suis posé la question suivante. Combien de temps avait duré cette idylle ? 2 ans ? 3 ans ? J'étais frappé par le fait qu'à aucun moment, tu m'entends bien, à aucun moment, la gamine n'a réclamé ses parents. Par exemple, elle n'avait qu'un souvenir très vague de son père. Tout ce que j'ai pu en tirer, c'est qu'il était très grand. Avoue que c'est assez mince, même venant d'une gamine de 5 ans, par ailleurs assez finaude. Elle était incapable de se souvenir quand elle l'avait vu pour la dernière fois, ce qui veut dire qu'il a dû rapidement cesser de venir. Quant à la mère, elle semblait mener une existence très solitaire. Il n'y avait aucune visite. Quand j'ai demandé à la gamine si elle avait un papy ou une mamie, elle n'a tout simplement pas compris de quoi je parlais. Je sais par ailleurs que les relations étaient très limitées car maman était toujours fatiguée et elle devait se reposer beaucoup. Il n'y avait pas de femme de charge. Je pense que la fameuse Nanou devait remplir cet office. En somme, tu me décris la vie de clandestine. Exactement. Je pense que la mère est partie car elle n'avait pas ou plus les moyens d'assurer le loyer de cette grande maison. Elle a chargé Nanou de liquider le reste. Effectivement, dut se résoudre à admettre Dutilleul. Ton scénario tient debout et explique bien des choses. Pauvre gamine, qu'est-elle devenue ? Malgré les années écoulées, Simon poussa un gros soupir de soulagement. Là, en revanche, elle a eu plus de chance. C'est le juge Gerbier qui a statué sur son cas, et je peux vraiment dire qu'il s'est comporté en bon père de famille. Il a cherché la meilleure solution possible, et je crois que la gamine n'a jamais eu à souffrir de sa décision, bien au contraire. Elle a été confiée aux bons soins de Madame Roset, dont l'institution avait l'énorme avantage de se situer à un jet de pierre du commissariat. La gamine a au moins eu l'opportunité de grandir dans un cadre assez agréable. Je dois dire qu'elle a fait honneur à la décision du juge Gerbier. Elle est toujours demeurée cette jolie petite fille, si sage, qu'une cigogne malicieuse nous a déposée un jour de juillet 1968. Merci, Simon, de m'avoir accordé cet entretien. Tu sais, je vais commencer par publier à nouveau la photo. Après tout ce temps? Justement, il y a prescription, alors les langues vont peut-être se délier. Je l'espère sincèrement. Tu sais, on l'aimait tous, cette gamine. Je crois que plus d'entre nous se seraient mis sur les rangs pour l'adopter. Tu comprends, elle était si facile. Quand je vois la génération actuelle, je n'ai pas eu d'enfant et parfois je ne le regrette pas. Je te comprends. Autre chose, as-tu conservé par hasard les coordonnées de Madame Roset ? Non, mais aux dernières nouvelles, elle n'avait pas quitté le périmètre. Tu devrais facilement la trouver en consultant Internet. Tu sais, Internet et moi, enfin, je demanderai à mon assistante. Merci encore de m'avoir reçue. Il n'y a pas de dérangement, mais si tu apprends quelque chose de neuf, n'hésite pas à me tenir au courant. Je n'y manquerai pas.